Bonjour, je suis heureux de lire pour vous Une vie, roman écrit et publié en 1883 par Guy de Maupassant, édité chez Gallimard en 1974.